porto che ir j'oublierai dans cet instant suprême combien je puis souffrir. Reviens mon amour, j'attends così triste senza languor chi può morir. Il ne passa toi che j'aime in sol agire non aime me, ove toi